Tous les jours c'est la même merde, chaque jour c'est la même merde. Deftat sous la même verte, fire à chaque jour ou la même merde. DKR côté Hetzmer, 2-3-7 j'ai la baisse mère. Flow dans la carte mémoire, j'en ai par milliers au VG quand la peste naît. Chaque jour on veut l'espèce, 6-6-7 c'est la firme. On arrive zombie-lice, on s'affirme, quand on joue contre on dirait 11-6. Zyrus, Jack et Kelsar, me repère au ciel comme au moins 100 000. Cible les étoiles, j'suis dans l'espace, négro sur le game, grand incendie. À la recherche de toutes sortes pierres, fais pousser l'herbe sur toutes sortes terres. François au match, fais des 12 heures pères, LDO avion, on est tous leurs pères. Vol les codes, fuck, j'suis un peu Lyon Beach, on le fait même sans pognon bitch. C'est des caresses au Sim Chavez, fuck un franc, jamais signé avec. Fais la diff, on les lave serbe, nous fouetter c'est carrément mort. 6-6-7, déploie l'arsenal, sans champ de guerre comme un allemand gore. Nombre lac, pour la femme pépon, on dirait des loups degré 1. Rode le soir comme le cartel des ombres, la conquis sent de près de très loin. Même dans l'averse roule, Philippe Massa, 6 sons de push, faut peut-être 8 Massa, BPK, stress la masse, pour Menek faut 18 Kassa. J'ai spliff de kiff, cap pour style de bis, une broche de Ken, 36 de vie. Là pour des kilos de pile de bif, beaucoup de gosses dans le rap, j'crois qu'ils nous appartiennent, cartel de daron qu'un. France Caro Marocain, je les blesse, j'suis plus de la partie. OG Boy, j'ai laissé les types, charge du 24 cara unique. DGK, ramène ça, ça mélange l'amnésie, le taga du riff. Gros calme, carabine sur ta tempe, on est trop killy dans la com. Temps d'avance, recommande alchimie, j'ai des flots calés dans la poche. Hein. Ça provient de l'Espagne, 3 billes quand ça pose. On salit la prod ou le S-Pred. Hein. Crois quoi quand ça rôde. Crois quoi quand ça rôde, roule les mêmes merdes. Defta, tous les négros qu'on sa mort. OVG, tout en haut du bat, postez-moi le long du lac, y'a que des vorins comme l'eau du bas.